بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد donc chers frères et sœurs en islam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bienvenue à une autre séance sur les sciences de l'Coran et le Karim et toujours avec notre deuxième partie majeure sur le message du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala le message de l'Coran et le Karim et toujours avec notre petite introduction au message du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois je le rappelle Quand on parle de cette partie sur le message du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle principalement de la question de l'interprétation, de la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle la science de at-tafsir, ilm al-tafsir, la science de l'exégèse. Mais avant ça, c'est important de faire une introduction. Donc on a fait une petite introduction, on a parlé du contenu de l'Qur'an al-Karim, des thèmes qu'on peut détecter, des thèmes principaux, du style de paroles, d'exhortations qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on passe à une autre section importante qui traite de ce qu'on appelle i'jaz al-Qur'an al-Karim. Les miracles du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miracle de al-Qur'an al-Karim. On le comprend tous que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que tel, c'est un miracle qui vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ithbatuhu 'ajza al-bashari 'an al-ityan bimithlihi aw bimithli ba'dihi fi alfadhihi wa ma'anihi. Quand on parle habituellement d'un miracle, on parle de quoi exactement? C'est quoi un miracle? Quelque chose de surnaturel, quelque chose de surnaturel. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas dans la capacité du commun des êtres humains. Tu demandes à une telle personne, est-ce que tu peux me le faire? Tu as besoin de combien de budget pour que tu puisses le faire? Combien de personnes pour que tu puisses le faire, qui vont t'aider, etc. Il va te dire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, c'est impossible. On appelle ça un miracle. Voyez-vous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'un des miracles que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, « اقتربت الساعة وانشق القمر » Allah subhanahu wa ta'ala a partagé la lune en deux. Et après ça, elle s'est, bien sûr, redevenue comme elle était. Donc ça, c'est un miracle. Est-ce que les êtres humains peuvent faire une chose qui est pareille? Non, c'est surnaturel. Demande-leur de faire toutes les recherches scientifiques qu'ils peuvent, le budget qu'ils peuvent avoir, etc. C'est impossible de le faire. C'est ce qu'on appelle un miracle. Donc, un miracle, habituellement, c'est quelque chose de surnaturel. Et un miracle, un vrai miracle, parce qu'il y a une différence entre eux. Le vrai miracle et ce que les gens prétendent être un miracle. Souvent, dans notre vie, on va dire... Par miracle, j'ai réussi tel examen. Ce n'est pas vraiment un miracle, voyez-vous. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi l'examen. Ça veut dire, dans ma situation, je n'étais pas préparé, mais j'ai réussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais le miracle, au sens véridique des mots, ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'est accordé, pour ce qui est des êtres humains, qu'aux prophètes et aux messagers, alayhim salatu wassalam. Et l'exemple, ou bien le but, la raison des miracles, c'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des miracles aux prophètes et aux messagers? Oui. Pour que les gens croient en eux. C'est pour prouver que c'est des prophètes, des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, n'importe quelle personne va prétendre que lui, c'est un prophète. Va dire, moi, je suis un prophète. Je viens de recevoir la révélation divine. Vous devez me suivre, sinon vous allez entrer en enfer. Comment est-ce qu'on va lui dire tu as dit vrai, tu as dit faux? Il faut qu'on ait une preuve. Cette preuve-là, c'est les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chaque prophète et à chaque messager. Alayhi mussalatu wa assalam. Et les mushrikin de Quraysh, ça veut dire les mécréants lors du temps du prophète, alayhi salatu wa salam, ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wa salam, des miracles. Ils voulaient voir des choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des miracles. Mais pas tant de miracles visibles comme ça, concrets, comme les prophètes et les messagers qui étaient avant ça. Voyez-vous, c'est parce que le prophète, on va le voir que son miracle, c'est un miracle qui est éternel et c'est un miracle de miséricorde. Souvent, ce qui arrivait, le miracle, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait un miracle à un peuple, c'était que par la suite, soit ils vont croire ou bien ils vont être anéantis. Voyez-vous, ils n'existent plus. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, pour la umma du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la dernière umma, c'est le dernier message pour l'humanité jusqu'au jour dernier. C'est un miracle qui est là pour rester. Ce n'est pas seulement pour les peuples pour le peuple de Quraysh. Tandis que pour les peuples du passé, ce n'était pas la même chose. S'ils veulent voir le miracle, ça sera fini par la suite. Ça veut dire non pas de choix que de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ayatun min rabbihi qul innama al-ayatu 'inda Allahi wa innama ana nadhirun mubin. Ils ont dit au prophète alayhi salatu wasallam, laoula, si seulement il va nous ramener des miracles, des signes de son Seigneur. Comme ils ont demandé dans l'autre verset, أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ فَأَمْطَرْ عَلَيْنَا بِحِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Écoutez ça, écoutez le, ces têtes dures, n'est-ce pas, auxquelles le prophète عليه الصلاة والسلام il faisait face. Ils ont dit, O Allah, إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. Si ça c'est la vérité qui vient de toi, ça veut dire ce message est là, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si le vrai messager, c'est quelqu'un qui vient de toi, alors on veut avoir un signe. C'est quoi ce signe qu'ils veulent avoir? فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. On voit des pierres qui vont tomber sur nous, du ciel. أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ou nous envoyer une punition qui est sévère. Ça veut dire, à la place de dire, oh Allah, si ça c'est le message qui vient de toi, guide-nous, fais en sorte qu'on va le suivre pour qu'on puisse être salué dans... Les demandes, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, si c'est un miracle qui vient de toi, si c'est le message qui vient de toi, envoie-nous une punition. Al-iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas demandé la punition que eux ils ont demandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un miracle qui est une miséricorde qui va rester même après le temps de Quraysh et le temps du prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit juste après ça, dans le verset après, awalam yakfihim anna أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. N'est-ce pas suffisant quand t'as révélé le livre qui est récité, qu'ils peuvent l'entendre être récité en permanence, que ça c'est un, c'est une guidée pour les personnes qui, bien sûr, croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent la guidée et la vérité. Qui peut nous mentionner certains des miracles des prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Il voulait avoir une table lors du temps de Isa alayhi salam. Quoi d'autre? Oui. Excellent. Donc Isa alayhi salam, les personnes qui étaient aveugles, qui ne pouvaient pas voir, qui n'étaient pas voyantes, ils pouvaient leur redonner leur capacité de voir. Il pouvait même redonner la vie à des personnes qui étaient mortes. Voyez-vous, donc, ça c'est des miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Isa alayhi salam. Quoi d'autre? Moussa alayhi salam. Taïb, Moussa alayhi salam, il a jeté sa canne et elle s'est transformée en serpent. Oui. Excuse-moi, je ne peux pas t'entendre. Taïb, il a frappé avec son bâton, Moussa alayhi salam, et la mer s'est ouverte. Quoi d'autre? Quand on a mis le poison dans la nourriture, je pense, je ne sais pas si c'est de la viande, je ne me rappelle pas, pour le prophète, puis elle avait parlé pour lui annoncer que... Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, excellent, Taïb, oui. Il y a Salih avec la chamelle. Salih avec la chamelle. Excellent. Ibrahim alayhi salam, on l'a jeté dans le feu, il n'a pas été brûlé, etc. Voyez-vous, donc ça c'est des miracles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, comme les ulama ils disent, en général, les miracles étaient toujours apparentés, étaient de la même nature que ceux qui distinguaient ce peuple, pour montrer la différence. Ça veut dire Moussa alayhi salam, il était dans un peuple qui vénérait la magie. La magie pour eux, c'était la chose la plus importante. Comme ce qu'on a de nos jours, nous avons la technologie, n'est-ce pas? Les gens de nos jours, ils vénèrent la technologie. La technologie, c'est la chose la plus importante. Ce que ton téléphone, il peut faire, et ce que le téléphone après, il pourra faire, etc. C'est ça, yuhayyirul albab, la chose qui retient en quelque sorte la réflexion des personnes, qui attire les personnes. Lors du temps de Moussa alayhi salam, c'était la magie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé quelque chose qui s'apparentait à la magie, mais qui n'était pas de la magie, et qui était plus puissante que la magie. Comme ça, les experts de la magie, qui étaient le top de top du top des magiciens, ça veut dire les magiciens du dirigeant, qui était le roi, qui était Pharaon, le pharaon, ils ont dit quoi? Ça, c'est impossible. Ça, ce n'est pas de la magie. C'est parce que nous, nous sommes les experts. Il n'y a pas plus haut que nous quand il s'agit de la magie. Et on peut vous confirmer que ça ne répond pas aux critères. C'est hors les lois de la magie. Et c'est plus puissant. Ça met la magie par terre. Ça veut dire c'est quoi? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est comme quelqu'un, si quelqu'un aujourd'hui comme ça, il va te ramener une machine. Imaginons comme ça, bien sûr on est en train d'imaginer un nouveau miracle de nos jours. Les gens, ils vénèrent la technologie. Quelqu'un, il va te ramener une machine comme ça, une petite boîte comme ça, elle te parle. Elle te parle de façon intelligente, pas comme le truc là qu'ils ont mis sur iPhone. Oui, tu dis après ça, ça te dit, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Non, une vraie boîte là, ça te parle comme ça en permanence, une discussion. Et tu vas voir cette boîte, tu vas dire, subhanallah, c'est qui l'a inventé? C'est quoi la technologie derrière? Et tu vas la prendre au top des experts de la robotique et de la technologie, etc. Ils vont la voir, ils vont l'analyser, ils vont l'ouvrir à l'intérieur, ils vont te dire ça, ce n'est pas de la technologie. Ça n'a rien à voir avec la... Tu ouvres à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide, c'est de l'air. Ils vont te dire ça, c'est un miracle. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, voyez-vous? Donc, ils vont être émerveillés. Si quelqu'un va dire, moi je suis un prophète de Dieu, bien sûr ça ne va pas arriver, parce que les miracles, khalas, après le temps du prophète, il n'y a plus de miracles. Si quelqu'un va dire, moi je vous ramène ça, c'est un miracle d'Allah, je suis un prophète, les gens vont le croire. Ils vont dire que ça, c'est vraiment un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Isa alayhi salam, il était dans un peuple qui donnait beaucoup d'importance à la médecine. À la médecine, voyez-vous? Et ça, en passant, c'est toujours, ça a toujours été comme ça, même après la continuité, même bien sûr après l'altération de la religion, etc. Mais les chrétiens, il y a de cela quelques siècles, et même aujourd'hui, ils donnent beaucoup d'importance à la médecine. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Imam Shafi'i rahmatullah, le grand savant de l'islam, Imam Shafi'i alayhi rahmatullah ta'ala, il disait toujours, c'était son souhait de devenir médecin. Mais il ne pouvait pas le faire, c'est parce qu'il était savant. Il voulait être, en plus d'être un savant, être un médecin. Mais il a dit, je ne peux pas faire les deux. C'est beaucoup de travail. Il a dit que ça, c'est une spécialité. Sabaqana ilayha ahlul kitab. Il a dit, les chrétiens nous ont devancés dans cette spécialité. Et ça... Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Égypte par exemple, un pays comme l'Égypte, à majorité musulmane, n'est-ce pas, c'est connu que les départements de médecine et plus spécifiquement de pharmacie, à presque à chaque pharmacie à laquelle tu vas entrer, tu vas voir la croix en Égypte. Voyez-vous, donc, lors du temps de Isa alayhi salam, sa société était une société qui était émerveillée par la médecine. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des signes, des miracles, qui s'apparentait à la médecine, mais qui n'était pas de la médecine. Ça veut dire quand tu peux redonner la capacité de voir à une personne, comme ça tu vas caresser son visage, tu lui redonnes sa capacité de voir, tu lui redonnes la vie, etc. Ça sort des règles de la médecine. Même les médecins les plus experts, ils vont te dire ça, ce n'est pas de la médecine. Ça donne les mêmes résultats, c'est plus puissant, mais ce n'est pas de la médecine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné en quelque sorte, un miracle qui est différent. C'est parce que le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit être un miracle qui soit éternel, qui soit éternel, parce que les autres prophètes, ils ont eu leur miracle pour leur temps, pour leur peuple, après ça c'est fini. L'utilité du message n'est plus en termes de sharia en tant que tel, elle a été abrogée, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin d'un miracle qui serait éternel jusqu'au jour dernier, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné Al-Qur'an Al-Karim. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme dans Sahih Al-Bukhari, قال alayhi sallallahu alayhi wa sallam, مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque prophète qui fut avant moi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé les miracles, les signes qui ont fait en sorte que les gens ont cru en lui. Après ça, il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوا أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il a dit, tandis que moi, ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé en tant que miracle, c'est une révélation. Et c'est pour ça que j'espère bien et je souhaite bien être celui qui va avoir le plus de suiveurs. Le jour du jugement, je vais avoir la plus grande communauté, c'est parce que mon message était éternel jusqu'à la fin des temps. était constant et était existant et mon miracle est resté même après moi. Alayhi as-salatu wa as-salam. Et le miracle du prophète alayhi salatu wa salam, comme on va le voir inshallah ta'ala, l'un de ses aspects les plus visibles, les plus importants, c'est le miracle linguistique de la langue. Pourquoi? C'est parce que l'arabe, c'était un peuple, les arabes, c'était un peuple de langue. Ce qui les distinguait, c'était la langue et la parole, en quelque sorte, la capacité de communiquer. Et ça, on va le revoir, inshallah ta'ala, dans quelques instants, plus en détail. Regardez ici, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an al-Karim, à l'intérieur du Coran, il a lancé un défi aux mouchriquin, aux polythéistes de la Mecque. Et ce défi en tant que tel, c'est un miracle. Le défi en tant que tel, c'est un miracle. C'est un défi qui commence d'un miracle. Et parce qu'il se concrétise, il se termine à être un miracle en tant que tel. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dit, si les êtres humains, l'humanité tout entière, ainsi que les djinns, les esprits créés à partir de feu, s'entendaient tous, se regroupaient tous, pour essayer de venir avec quelque chose de comparable à ce Coran, il ne pourrait jamais le faire. Même si les uns étaient là pour supporter les autres. Impossible de le faire. Donc ça, c'est un défi que Allah subhanahu wa ta'ala a lancé à l'humanité tout entière. De ramener quelque chose de comparable au Qur'an al-Karim. Est-ce que les mouchriquins, les polythéistes de Quraysh, est-ce qu'ils ont prétendu faire le contraire et pouvoir ramener un livre qui est comparable? Est-ce qu'ils ont pu le faire? Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu le faire. Tayyib, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait descendre la barre. C'est trop haut pour eux de ramener un livre qui est comparable au Qur'an al-Karim. Il dit subhanahu wa ta'ala, Am yaquluna iftarah, prétend-il que tu l'as inventé ce livre, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé ce livre? قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Alors dis, c'est quoi la réponse que tu dois leur donner? Alors si vous prétendez que je l'ai inventé moi ce livre, ramenez 10 chapitres, 10 sourates qui seraient comparables à ce Coran et que vous allez inventer. Seulement 10 sourates. Pas besoin de lancer le défi pour tout le Coran, c'est trop haut pour eux. Alors après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. Et s'ils ne peuvent pas répondre à ce défi qui a été lancé, alors sachez que ça a été révélé et ça vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ça vient du savoir et de la parole d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire, si vous prétendez que c'est quelque chose qui a été inventé par un être humain, c'est normal, ça veut dire, c'est normal que les autres êtres humains devraient pouvoir inventer la même chose si ce n'est pas quelque chose qui est meilleur. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur baisse la barre encore plus. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, si vous avez des doutes au sujet de ce livre que nous avons révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à notre serviteur, فَأْتُوا, alors ramenez une seule sourate, un seul chapitre qui est comparable au chapitre du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, si vous êtes véridique. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, et si vous ne pouvez pas le faire, et après ça il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ تَفْعَلُوا, et vous ne pouvez jamais le faire. Quand quelqu'un te dit tu ne peux jamais le faire, sache que c'est l'une des deux choses. Un être humain comme ça, qui te lance un défi, qui te dit, tu vas jamais faire une telle chose. Soit que c'est, comme ils disent, un loser, et c'est pas dans quoi il s'embarque, n'est-ce pas, il va tomber sur son visage très rapidement. ou bien c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment confiant. Il sait de quoi il parle. Ça veut dire ne perds pas ton temps. Voyez-vous? Et si ça vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et juste ce mot-là, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait inventé ce livre par lui-même alayhi sallallahu alayhi wa sallam, juste ce mot-là était un grand risque à prendre pour un être humain qui prétend que ce soit un message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un menteur, n'est-ce pas? Parce que quand une personne va prétendre que c'est un prophète, il cherche quoi habituellement si ce n'est pas un prophète? De l'argent. Hein? De l'estime, etc., etc., n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui cherche ça et qui commence à en avoir déjà, pourquoi est-ce qu'il prendrait le risque avec un seul mot de tout détruire, de détruire son avenir politique, comme ils disent? Ça ne sert à rien, voyez-vous? Donc, pourquoi est-ce que tu vas lancer un défi alors que tu ne sais pas, Allah Ta'ala, peut-être ils vont te ramener quelque chose de plus fort que toi. Mais parce que c'est le message d'Allah, Allah Ta'ala, il leur dit à l'avance, la porte est fermée, vous n'allez jamais pouvoir le faire, n'est-ce pas? Alors sachez que ça vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, c'est le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, c'est parce que, pourquoi est-ce qu'ils sont incapables de le faire? C'est parce que tout simplement, Al-Qur'an Karim, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont jamais comparables aux attributs des êtres humains. La parole d'un être humain ne va jamais être comme la parole du Créateur subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il y avait une question? Oui. Par rapport à la Bible, le message de la Bible, ça a été envoyé à qui? Non, la Bible que nous avons de nos jours, elle est constituée de deux choses, du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est les restes altéré de At-Tawrat qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Le Nouveau Testament, c'est les restes altérés de Al-Injil, l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam. Non. Oui, c'est bien ça. Isa, c'est Jésus alayhi salam. Taïm. Entrons maintenant dans les détails. Quand on parle du miracle dans le Coran Karim, c'est quoi qui est miraculeux dans le Coran? Ça veut dire. C'est quoi le miracle dans le Coran? On a dit que le Coran Karim en tant que tel, c'est un miracle. Mais on va entrer maintenant dans les détails, n'est-ce pas? C'est quoi ces miracles dans le Coran Karim? Première chose à savoir, c'est que les miracles dans le Coran Karim ne sont pas limités. Ils sont illimités. Tout le Coran Karim, sous tous ses aspects, sous tous ses angles, il est miraculeux. Mais les ulama, ils ont parlé de certaines formes de miracles spécifiques et principale, que nous allons mentionner maintenant, inshallah ta'ala, l'une après l'autre. Ça se peut que les êtres humains, dans quelques années, vont découvrir une nouvelle forme de miracle, tout comme de nos jours, dans l'ère qu'on appelle moderne, on a découvert toute une spécialité qui s'appelle les miracles scientifiques, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a eu accès à la science, on vient de découvrir quelque chose de nouveau dans cet univers, on peut découvrir certaines parties que les êtres humains n'ont pas pu découvrir pendant les siècles avant nous, et on vient de faire la relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça c'était déjà dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le mentionner. Donc ça se peut qu'il y ait d'autres aspects du miracle qui vont apparaître dans l'avenir, Allah ta'ala a'lam. Voyez-vous, donc nous on va traiter des principaux, des principales formes que les ulama ils ont mentionné. Première chose, le miracle principal qui existait depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam, et qui était spécifiquement dirigé à son peuple, alayhi salatu wassalam. C'est le miracle linguistique, al-i'jazu al-lughawiyyu. Al-i'jazu al-lughawi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa innahu latanzilu rabbil alamina, nazala bihi ar-ruhu al-aminu ala qalbika, litakuna minal mundirin, bilisanin arabiyin mubin. Que ce livre-là, c'est avec une langue arabe qui est extrêmement clair. Bilisanin arabiyin mubin. La clarté de la langue, habituellement, c'est un attribut positif d'un être humain, de n'importe quel être humain. C'est-à-dire, lui, il parle bien, mashallah. On est un groupe de personnes, on est 30 personnes, on a des revendications. On va nous dire, on veut négocier avec vous. Mais on ne peut pas parler avec tout le monde. On a besoin de parler avec une seule personne. On va tous se tourner comme ça, on va dire, ah, lui, il parle bien, mashallah. Toi, vas-y. Tu sais comment parler, c'est un attribut qui en plus, voyez-vous? Et si cette, ta façon de communiquer maintenant atteint le parfait, ça veut dire que c'est impossible que tu sois un... que tu sois en train de dire les paroles d'un être humain, ça veut dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et pour vous mettre en contexte, je sais que c'est une forme de miracle, on va voir certaines autres formes de miracles qu'on peut comprendre plus de nos jours, n'est-ce pas? C'est une forme de miracle, celle-là, que tu as besoin bien sûr de comprendre la langue arabe, de connaître très bien la langue arabe, etc. Le plus que tu excelles dans la langue arabe, le plus que tu vas commencer à goûter au miracle de l'Al-Qur'an, Al-Karim, voyez-vous, parfois il y a certaines choses dans la vie qui existent que nous, on ne connaît pas. Toi, on va donner un exemple comme ça. L'un d'entre nous, peut-être qu'il y a des frères ici qui sont très distingués dans ce domaine, mais on parle ici du standard, n'est-ce pas, du commun. La majorité des personnes, est-ce qu'elles s'y connaissent beaucoup dans les voitures, comme ça en détail? Non. Une connaissance générale, parfois un peu plus détaillée. On va lui dire que telle marque, elle est bonne parce que ça ne consomme pas beaucoup d'essence, n'est-ce pas? C'est des stéréotypes que les gens vont développer. Tu as appris ça de ton père, que c'est comme ça. Cette marque, elle est bonne. Telle marque, ce n'est pas la bonne, etc. Et tu répètes du par cœur. Mais quelqu'un qui est un expert, quelqu'un vraiment un expert en automobile, parfois tu vas lui ramener deux voitures, va dire, regarde, je vais acheter elle, elle est tellement belle, etc., etc. Elle, elle est moche, puis quand tu la mets on comme ça, ça sent pas bon, ça fait du bruit, etc., n'est-ce pas? Je suis intéressé en elle. Qu'est-ce que tu me conseilles? Va te dire, non. Tu veux la voiture, tu veux l'expertise, tu veux la qualité, c'est celle-là. Pourquoi? Toi, tu ouvres comme ça, tu regardes, les deux, c'est de la mécanique, c'est des machines, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Au contraire, celle qu'il te déconseille, elle a l'air d'être plus belle, n'est-ce pas, et plus, ça brille, etc., etc. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est seulement un expert qui va le comprendre. Donc, cette grande différence de valeur entre les deux voitures, le fait que moi, je ne la comprenne pas, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non. Il y a des personnes qui la comprennent. Voyez-vous, donc, c'est pour vous dire que pour ce qui est, par exemple, des miracles linguistiques, on va en parler un peu, on ne peut pas aller trop aller dans les détails. C'est parce que beaucoup de personnes ici ne comprennent pas l'arabe. Et même nous qui ne comprenons pas l'arabe, même si, alhamdoulilah, on suit la religion du prophète, alayhi salatu wasalam, mais malheureusement, on n'est pas des experts dans la langue arabe comme Abu Jahl et Abu Lahab, n'est-ce pas, qui étaient des ennemis du prophète, alayhi salatu wasalam, mais dont la langue arabe ne joue pas dans leur terrain en quelque sorte. Voyez-vous, donc ça c'était comme ils disent arbabul lughatil arabiyya, arbabul fasaha. Pour vous mettre en contexte encore plus, la langue c'était quoi pour les Arabes? Pour les Arabes, la langue c'était comme la musique de nos jours. Vous voyez la musique de nos jours? La majorité des personnes sont dépendantes de la musique. Ils se lèvent, ils doivent mettre ses écouteurs. Ils mangent, ils veulent écouter de la musique. Ils marchent dehors, il faut qu'ils écoutent de la musique. Pour étudier, il doit écouter de la musique. Je ne sais pas comment ils font pour penser, réfléchir et en même temps écouter de la musique. Allahu a'lam. Mais c'est comme ça que les gens ils font de nos jours. Lors du temps des Arabes, la musique, c'était la langue. Et c'est pour ça que dans leur marché, n'est-ce pas, ils faisaient comme ça leur festival, leur party en quelque sorte. C'était quoi? C'était le mu'allaqat. Quelqu'un, il ramène comme ça un grand poète comme ça, il arrive avec ses poèmes, n'est-ce pas? Nous, de nos jours, tu vas lire un poème, c'est plat, tu vas dire, n'est-ce pas? À l'école, on va te demander de faire l'analyse d'un poème, t'as pas le goût de commencer ni d'ouvrir le livre. Dans leur temps, ils vont s'asseoir comme ça, ils se réjouissent d'entendre un poème. Comment est-ce que les paroles sont belles, etc., et elles sont bien organisées, c'est les meilleurs mots qui sont sélectionnés, etc. Et dans la langue, en général, je suppose, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialiste en comparaison des langues du monde entier, mais je suppose que ça devrait être la même chose dans toutes les langues du monde, mais au moins en arabe et en français, à ma connaissance, et en anglais aussi, c'est comme ça. La langue, ça peut être soit « al-shi'r », ça veut dire la poésie, ou bien « al-nathr ». Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle « nathr » en français. Est-ce que c'est un mot? Le contraire de la poésie, un texte qui est... Hein? La prose, exactement. Jazakallah khair. Donc, c'est soit des poèmes ou bien de la prose. Voyez-vous, donc, selon les règles de la langue arabe, c'est comme ça que tu parles. Parce qu'on comprend tous que la langue, c'est des standards, n'est-ce pas? Tu es né, on va te dire dans ton pays, ta langue natale, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas toi qui vas inventer la langue, tu n'inventes pas la langue. C'est des standards que tu vas suivre. À l'école, on va t'apprendre. Pour écrire un article, tu dois faire comme ça. pour écrire une recherche, c'est comme ça que tu dois faire, etc., etc. Le prophète, alayhi salatu wasalam, de nulle part, il leur est arrivé avec un message qui est plus beau que tout ce qu'ils ont entendu dans leur vie, mais qui ne répond aux critères ni à ceux de la poésie, ni à ceux de la prose. Laysa binathrin, ce n'est pas de la prose, parce que la prose habituellement c'est quelque chose d'ennuyant, c'est des paroles comme ça, ça se suit, n'est-ce pas, ça n'en finit jamais. C'est intéressant à écouter, mais ce n'est pas de la poésie. Ils ne savent pas comment l'interpréter, ils ne savent pas c'est quoi. Et ils sont émerveillés par ce message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les mouchriquines, en passant, lors du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Lors du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Même les mouchriquines, les polythéistes, plusieurs d'entre eux ne pouvaient pas se retenir de venir écouter le Coran al-Karim. C'est comme j'ai dit. Je donne un exemple, bien sûr, ça n'a rien à voir. Yani, ta'ala Allahu an dhalik. Je ne suis pas en train de comparer le Coran al-Karim. Je suis en train de comparer la psychologie de ces Arabes, des mouchriquines, comment est-ce qu'ils se comportaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un peu comme de nos jours, n'est-ce pas, certains comme ça, occidentaux, qui détestent les musulmans, ils détestent les Arabes, ils détestent tout, etc. Mais ils aiment écouter la musique arabe. Il va te dire, je vais aller à un festival arabe. Il déteste les Arabes, etc. Mais il peut pas se retenir. Il trouve ça trop intéressant, trop divertissant, n'est-ce pas? Trop, c'est quelque chose qui l'attire. Walillahi al-mathalu al-a'la. Encore une fois, je compare la psychologie des mouchriquins lors du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Eux qui détestaient le prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Parfois, ils allaient en cachette devant les maisons, cachées des compagnons pour écouter leur récitation dans le Coran al-Karim, sans se faire détecter. Il ne veut pas que les gens savent qu'il est en train d'écouter le Coran. C'était comme une insulte. Mais il voulait l'écouter. Et c'est pour ça que quand certains des grands de Quraysh, ils ont découvert ce phénomène qui a commencé à prendre de l'ampleur, ils ont dit, ça c'est une menace pour nous, c'est un problème. Maintenant, les jeunes enfants vont commencer à venir écouter le Coran, et les femmes, et telle chose, et on va commencer à perdre le contrôle au profit de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلَبُونَ » Attention, message à tout le monde, n'écoutez pas ce Coran, fermez vos oreilles. Pire que ça encore, faites du bruit à chaque fois que le Coran est récité, faites du bruit comme ça. Créez des parasites pour que les gens ne puissent pas entendre. C'est comme parfois, n'est-ce pas, les petits-enfants comme ça au primaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand un enfant comme ça est en colère contre ses deux autres amis, c'est en train de se parler, il va commencer à crier. Non, pour ne pas les laisser parler. C'est comme ça, comment est-ce qu'ils pensaient mouchriquine de Quraysh? À place de répondre avec ce qu'ils pensent être al-haq, ils disaient aux autres, n'écoutez pas. Et à chaque fois que le Coran est récité, commencez à crier, à faire du bruit, etc. pour que les gens, tu vas lui dire, laisse-moi écouter, il est en train de réciter, laisse-moi. Non, il va commencer à crier, etc. Lui, il est ici, il récite, mais je ne peux pas l'entendre. Voyez-vous? Et toujours, bien sûr, c'est les mêmes techniques qui se répètent. De nos jours, il ne crie pas, mais c'est le bruit à travers les médias. Voyez-vous? Entre toi et passer le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il vient crier au milieu comme ça, il vient dire aux gens, attention, terroriste, telle chose, telle chose, telle chose, pour que les gens ne puissent pas écouter le message d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Mais ça, comme j'ai dit, c'est pour revenir au message en tant que tel, au miracle linguistique. Les mouchriquines ne pouvaient pas se retenir d'écouter le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et à cause de ça, ils ont commencé à inventer des réponses, à inventer des explications. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au début, sha'irun, c'est un poète. La seule façon de laquelle on peut l'expliquer, c'est que c'est un poète qui sort de l'ordinaire. Parfois, c'est comme, tu vois ça comme étant, n'est-ce pas? Ça peut paraître comme un compliment. Mais en réalité, c'est une insulte. C'est parce que c'est quand ça te fait rabaisser. Voyez-vous, c'est comme, en passant, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, n'est-ce pas? Les livres comme ça qui parlent de la liste des 100 personnes les plus influentes dans l'histoire. Les 100 plus grands leaders de l'histoire, etc. Ils vont mettre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le premier. Il y a des gens qui vont dire, Masha'Allah, regarde, le prophète, alayhi salatu wassalam, ils l'ont mis comme le plus grand, la personne la plus influente de l'histoire, le plus grand leader de l'histoire, etc. Ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est un couteau qui est à deux tranchants. C'est bien pour toi, pour faire la da'wah, parfois pour ouvrir comme ça, n'est-ce pas? C'est la petite, c'est l'or d'œuvre, c'est pour commencer ta discussion de da'wah, n'est-ce pas? Celui qui te dit, mais Mohammed, vous, votre prophète, comme ça, c'était un criminel, tel et tel genre, t'es pas sérieux. Regarde, même les grands penseurs de l'Occident, ils ont dit que c'était le plus grand leader de l'histoire, etc. Regarde, tel livre, va dire, ah oui, il va être choqué. Là, il va être intéressé. Mais tu ne t'arrêtes pas ici. Parce que le prophète, le fait de dire que c'est le plus grand leader de l'histoire et s'arrêter là, ça rabaisse le statut du prophète. Ça fait de lui, comme ça, un leader doué. Ça veut dire qu'il n'est pas très loin du deuxième plus grand leader de l'histoire. Il se rapproche de lui. C'est quelqu'un qui a travaillé bien sur soi-même, il était bien organisé dans sa vie, etc. Le prophète est plus grand que le plus grand leader de l'histoire. C'est un prophète qui vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wa la yantiqu anil hawa alayhi salatu wa salam. Donc eux, ils ont dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'explication qu'on peut donner, c'est sha'irun. Et là, il y a eu certains de Quraysh eux-mêmes qui se sont opposés. Ils ont dit non, tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. Parce que ces paroles ne répondent pas aux critères de la poésie. Tant au niveau linguistique, c'est parce que la poésie, ça a des langues, ce qu'on appelle le bahr. Il y a certaines règles, un certain rythme à suivre pour la poésie, n'est-ce pas? On ne va pas entrer dans ça, parce que ni vous ni moi ne sommes des experts dans ce domaine-là. Et en même temps, le contenu, ce n'est pas de la poésie. C'est parce que la poésie, habituellement, c'est quelque chose d'émotionnel, et toujours, c'est quelque chose d'exagéré en général. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ. Les poètes vont être toujours suivis par les égarés. Ça veut dire, même la poésie qui est halal, pour nous en islam, le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit d'en faire trop. Pourquoi? C'est parce que ça t'égare du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es en train de dire le halal, mais si tu passes ta journée comme ça à lire de la poésie, etc., tu vas t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on fait le parallèle, la musique, les gens ils l'écoutent tellement, etc. Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme ça dans votre vie qui a été formé par la musique? C'est devenu un grand penseur à travers la musique. Il a tellement écouté la musique, il est devenu comme ça quelqu'un de guidé, de droit dans sa vie, d'organisé comme ça, n'est-ce pas? Avec une hygiène de vie comme ça, de clean comme ils disent. Impossible, n'est-ce pas? Le plus que la personne devient, comme ils disent, addicted, elle est dépendante de la musique, le plus que tu vas voir qu'elle commence à s'égarer même de ses propres bienfaits de ce bas monde, ça veut dire de son travail, de ses études, etc., etc., elle va commencer à prendre un autre chemin, ça va devenir une vie de divertissement. Le message du prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas un message de... c'était pas des jokes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... وَمَا هُوَ بِي الْهَزْل. Ce n'est pas le hazl, ce n'est pas de la rigolade, voyez-vous, alors que habituellement la poésie, ça contient toujours des exagérations, n'est-ce pas? Tu vas exagérer, tu vas sortir un peu du sujet, etc. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit c'est quoi les traits des poètes. Les poètes, ils se dérivent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La poésie ne te parle que très rarement de quelque chose qui est sérieux. Il va parler de sa copine, et l'autre va parler de l'arbre. Regarde comment est-ce que cet arbre, il est beau, et les feuilles de l'arbre, et la couleur, et telle chose, n'est-ce pas? Il est dans un autre monde, dans l'imaginaire. Et plus que ça, il dit subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Habituellement, les poètes, ils exagèrent toujours, et l'une des conséquences de leur exagération, c'est qu'ils prétendent ce qu'ils ne font pas. Un poète, habituellement, en général, il va dire des choses que lui, il ne fait pas. Voyez-vous, ça peut être tout un poème comme ça sur la guerre, et j'ai fait la guerre, et j'ai gagné, et je suis le plus puissant, etc., etc. Il est seulement dans l'imaginaire, comme les rappeurs, etc., n'est-ce pas? Tu vas écouter leurs paroles comme ça, tu vas dire, ça c'est le grand de ce monde, n'est-ce pas? Dans sa vie, tu vas trouver que c'est un peu heureux. Quelque chose de petit comme ça, il va s'évader. Pourquoi? وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يفعلون. C'est juste des prétentions, des paroles. Les actions ne sont pas présentes. Est-ce que ça répond aux critères, au message du prophète alayhi salatu wasalam? Non. Ça te parle de sérieux, de quelque chose qui est organisé. Ça te parle de prendre ta vie au sérieux, d'être responsable, etc., etc. Et le prophète alayhi salatu wasalam, de sa vie alayhi salatu wasalam, tout ce qu'il a demandé de faire, il l'a appliqué alayhi salatu wasalam. Chaque fois que tu vas trouver, imaginez ça. C'est presque aucune exception, sauf pour les choses qui étaient spécifiques à nous, comme l'ulama, ils ont mentionné. À chaque fois que tu vas trouver un hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous a demandé, faites ça et ne faites pas ça. Si vous faites telle chose, vous allez avoir telle récompense, etc., etc. Tu cherches, tu vas trouver un autre hadith qui t'a dit, le prophète, alayhi salatu wasalam, a fait telle et telle et telle chose qui était la même chose. Ça veut dire, il a présenté un message et il le pratiquait, alayhi salatu wasalam. Assalam. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce n'est pas un poète. Qu'est-ce que ça peut être? Magicien. Sahirun. Est-ce que ça peut être un sahir? Est-ce que c'est les paroles d'un sahir, d'un magicien? Non. La magie habituellement, je ne sais pas si c'est un mot qui est, n'est-ce pas, qui est l'un des mots bizarres de la langue arabe, je ne sais pas comment le traduire en français, je ne pense pas que quelqu'un peut le traduire ici en français. Ils disent habituellement, la nature de la magie, c'est quoi? C'est talasim. C'est comme des codes, c'est quelque chose que tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Quand les personnes dans certains pays arabes, dans certains pays musulmans, à cause de l'ignorance, etc., ils vont aller chez les personnes qui croient ou bien qu'ils appellent être talib. Talib, oui, au Maroc, ils appellent ça le fqih, je pense, c'est ça? Ouais. C'est ça, exactement. Ça peut être quelqu'un complètement dévié du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va te faire de la magie, etc. Il ne comprend rien de ce qu'il est en train de lui faire. Mais à cause de l'ignorance, n'est-ce pas, les gens sont ignorants, ne connaissent pas leur aqid et leur croyance, il va prendre n'importe quelle chose. Il va prendre comme ça. Et il y en a qui vont lire le Coran à l'envers, il commence de la fin, il le lit à l'envers, comme ça. N'est-ce pas, on va parler de ça, inshallah ta'ala, que ça c'est haram, ça c'est un grand irrespect envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc la magie habituellement c'est talasim. Est-ce que tu as entendu déjà un magicien qui te parle des paroles comme ça intelligentes, qui te donne des conseils comme un psychologue comme ça, et tu vas t'asseoir chez un magicien, il va te dire oui, je vais te donner des conseils pour ta vie, etc. Non, avec sa boule de cristal, n'est-ce pas, c'est ça ne peut pas être as-sihr, ce message du prophète alayhi salatu wasalam. Aw majnoun, un possédé, un fou. Est-ce que ça peut être un fou, alayhi salatu wasalam? Encore une fois, son message n'est pas un message d'une personne qui est folle. C'est un message intelligent. Toute personne qui a un minimum d'intelligence va le voir, qu'elle soit convaincue ou non, il va te dire, ça c'est les paroles de quelqu'un qui est... Le moins qu'il va te dire, il va te dire, c'est une personne intelligente et cultivée. Alors on connaît beaucoup sur ce monde. Ça peut pas être quelqu'un qui est majnoun. Donc toutes les explications qu'eux, ils ont fournies, ça ne... fonctionne pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le mentionne fi kitabihi subhanahu wa ta'ala, il dit ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. La seule chose qu'on te répète, c'est la même cassette. Ce qu'ils ont dit au prophète avant toi, ils te le redisent à toi. Ça veut dire sahirun, majnun, menteur, etc., etc., etc. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. À chaque fois qu'un prophète est venu avant le prophète alayhi salatu wasalam, les gens ils lui disaient soit que tu es magicien ou bien menteur. Moussa alayhi salam, ils ont dit que Pharaon, il a dit que toi tu es un magicien surdoué. La même chose, ça se répète à chaque fois. Voyez-vous pourquoi magicien? C'est parce qu'ils essaient de trouver une explication au miracle. Il va te dire, c'est un miracle? Non, c'est pas un miracle, c'est de la magie. Majnoun, c'est pour répondre à tes idées que tu viens pour propager. Tu vas leur dire, non, il n'y a pas mille et un dieux à adorer. Il y a un seul Dieu. Il va te dire, toi, tu es un fou, tu es un possédé. Tu ne sais pas réfléchir. Voyez-vous, donc, c'est ça toujours les mêmes arguments qui se répètent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que non. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont sincères, Allahu nazzala ahsana al-hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la meilleure des paroles, la plus belle des paroles. Comme les ulama, ils ont dit, même... n'est-ce pas, les personnes qui sont spécialistes dans la langue arabe, ils ont dit que même les mots utilisés fi kitabillahi azza wa jal, dans le Coran Karim, c'est les meilleurs, c'est le top du top des mots qui existent dans la langue arabe. C'est pour ça qu'il y a un livre comme ça, Il y a l'un des plus grands savants de la langue arabe. Il s'appelle Imam al-Fayrouz Abadi. Rahimahullah. Ça, c'est l'un des plus grands savants de la langue arabe. Il a même l'un des dictionnaires, le Qamus al-Muhit, les plus connus, etc. Lui, il a écrit un autre livre. C'est parce que c'était un livre de, c'était un savant de l'islam aussi. Il a écrit un livre de tafsir, d'exégèse du Coran. Mais de façon qui était un peu spéciale. Il a adopté une approche spéciale. Il a appelé ça Basair ou Dawit Tamiz. Il a pris tous les mots qui existent dans le Coran al-Karim. Il les a pris comme ça et il a fait un dictionnaire avec. Un dictionnaire des mots qui existent dans le Coran. Tu commences avec le alif. Telle et telle et telle et telle chose. Après ça, pour chaque mot, il va te prendre c'est quoi les branches. Et il l'a utilisé dans tel verset, avec ce sens, tel verset, avec ce sens. Le livre en tant que tel, c'est une encyclopédie de la langue arabe. Ça veut dire si quelqu'un le maîtrisait comme ça de début jusqu'à la fin, tu vas être le maître de la langue arabe dans... dans ce siècle, probablement. Voyez-vous, donc, les mots qui sont dans « Fi kitab illahi azza wa jal », c'est la sélection, en quelque sorte. C'est le top du top de tous les mots de la langue arabe. Oui, il y avait une question ? Al-Fayrouz Abadi. Je sais que c'est un peu compliqué. Fayrouz. Al-Fayrouz Abadi. Oui, Abadi. Jazakum Allah. La même chose maintenant, pour ce qui est de ce qu'on appelle « التناسب ». Ça veut dire le lien. Nous avons les mots et après ça, nous avons les liens à l'intérieur d'une phrase. Et les liens entre une phrase et celle d'après. Ça veut dire « المقاطع », les différents versets, etc. La même chose. C'est quelque chose d'homogène. Et on a parlé de ça quand on a parlé de l'histoire du Coran. Encore une fois, petite révision. L'une des sagesses derrière le caractère graduel de la révélation du Coran Karim, c'est pour nous prouver que ça c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'il y a des versets que le prophète alayhi salatu wa salam a annoncé à telle date, il y a d'autres versets qu'il a annoncé 13 années après et qui doivent se mettre juste après les autres versets. Et tu vas voir que c'est une continuité. C'est comme si la personne elle vient de parler de tout ça maintenant, sur place. Parce que la personne entre mon style aujourd'hui et mon style, incha'Allah ou ta'ala, dans 20 ans, si je vais être vivant, ça va être deux choses qui sont différentes. Vous voyez quand quelqu'un il est jeune habituellement, il va parler avec beaucoup de plaisanterie, n'est-ce pas? Ça va être des mots qui sont légers, beaucoup de détails, parle beaucoup, etc. Le plus que tu deviens vieux, le plus que tu t'approches de ta vieillesse, tu vas devenir plus direct dans tes mots, plus concis. Tes mots vont être plus puissants, plus sérieux, etc., etc. Donc le style en tant que tel va changer. Ce qui n'était pas le cas, ça veut dire que c'est un message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que c'est quelque chose qui a été communiqué par le prophète alayhi salatu wa sallam sur une période de 23 années, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin » comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne. Taïb, en parlant de la langue, comme j'ai dit, ça c'est quelque chose bien sûr qui s'adresse surtout à des personnes qui s'y connaissent très bien dans la langue arabe, mais vous avez probablement vu cette vidéo, n'est-ce pas, sur internet, Cheikh Mohamed Al-Arifi, n'est-ce pas? Il avait fait l'expérience, est-ce que vous l'avez vu? Il l'a répété plusieurs fois, n'est-ce pas? Où il ramenait, il le répète à chaque fois, une fois il l'a fait avec, je pense, un Irlandais, une fois il l'a fait avec un Japonais, c'est sur internet, où il ramenait la personne comme ça, un non-musulman, si tu veux l'essayer, essaye. C'est une très bonne expérience, tu veux faire la da'wah, etc. Seul truc, petit truc, attention de ne pas tomber dans le piège. Il ne faut pas que tu dises à la personne avant ce que tu es en train de lui faire là, da'wah, et que tu veux lui prouver que le Coran c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. C'est parce que s'il est mal intentionné, il peut te donner la mauvaise réponse, volontairement. Ramène-le comme ça, quand il est en situation de naïveté comme ça, n'est-ce pas? Il ne sait pas de quoi tu vas lui parler, mais il va te répondre sincèrement comme ça, n'est-ce pas? C'est quoi l'expérience? C'est qu'il a ramené un homme musulman qui ne connaît rien de la langue arabe. Il va lui dire, écoute, je vais te lire trois textes. Écoute bien les trois textes. Premier texte, voilà, en arabe. Tu comprends rien, mais tu l'écoutes quand même. Et il invente un texte comme ça. N'importe quel texte que toi, tu vas prendre d'un livre, de n'importe quelle chose, mais tu vas le réciter avec un chant, avec tajwid en quelque sorte. قال عمر ولذلك جاء مصطفى va faire une mélodie, quelque chose d'intéressant comme ça. Deuxième texte, tu lui lis par exemple un poème dans la langue arabe, un poème réel, même avec quelque chose de très puissant comme ça, d'un grand poète, etc. Troisième, pardon, l'ordre, tu peux mélanger. Tu peux lire des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le tajwid. Quatrième, tu lis autre chose. Ça veut dire, l'idée ici, c'est de mettre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, une partie du Coran Karim, une récitation, tu vas la mettre au milieu d'autres choses qui sont des paroles d'êtres humains. Et après ça, tu vas lui dire, parmi toutes les paroles que je viens de mentionner, laquelle t'as vraiment retenu? Et tu peux même lui dire laquelle s'apparente plus à un discours divin. Et va te dire, comme le cheikh il a fait l'expérience, c'est telle chose. Alors sache que ça c'est le Coran, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Même pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, c'est kalamun mu'jaz. C'est parce que ça va au cœur. Les autres, c'est des paroles, ok, c'est des paroles. J'entends, je comprends rien. Celle-là, je comprends, mais je viens de détecter quelque chose de spécial. Ça veut dire kalamun mu'jaz. C'est un miracle. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un être humain comme ça qu'il l'a faite. Non. Et c'est pour ça, bien sûr, un autre exemple qu'on peut donner même avec les musulmans, maintenant, sans parler des non-musulmans, les musulmans qui ne parlent pas arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. L'apprentissage de le Coran Karim, c'est quelque chose qui a été rendu facile par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'un des miracles aussi linguistiques de le Coran Karim, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des millions de personnes dans ce monde qui ne sont pas des arabes, mais qui sont des musulmans et qui lisent le Coran Al-Karim, sans connaître l'arabe. Il va l'apprendre par cœur, et il va le lire dans sa prière, et il va être concentré dans sa prière, et il va être affecté par le Coran Al-Karim. Tu vas aller en Indonésie, au Pakistan, en Inde, etc. Tu vas trouver des musulmans, que la majorité d'entre eux ne comprennent pas la langue arabe. Mais il a du plaisir à lire le Coran Al-Karim. Et tu vas trouver, comme on l'a mentionné, de jeunes enfants comme ça, qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, il ne comprend rien de l'arabe. Mais dans un pays arabe, il ne pourra même pas se sauver dans une situation d'urgence. Il ne sait communiquer avec personne en arabe. Les lettres, les paroles les plus faciles, je veux acheter de l'eau, uridu ma'an, uridu khubzan, ayn al-bab, des choses aussi simples que ça, il ne comprend rien. C'est un gamin de 11 ans, il vient de l'Indonésie, il ne comprend rien dans l'arabe le plus simple. Mais après ça, tu vas lui dire, lis-moi un texte de l'arabe le plus parfait que tu connais. Il va te lire le top du top de l'arabe, qui est Al-Qur'an Al-Karim, qui est parfois même un texte qui est complexe, n'est-ce pas? Tu vas prendre un verset comme par exemple le verset de Ad-Dayn, du prêt, Ayatul Dayn, toute une page comme ça en arabe, et qui te parle du prêt, c'est quoi les conditions du prêt, etc., etc. Après ça, tu vas prendre parfois un enfant, comme j'ai dit, de 6-7 ans, tu vas lui dire, lis-moi les deux dernières pages de Sourat al-Baqarah. « Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantu bidaynin ila ajali musamman » etc. Si quelqu'un ne savait pas c'était quoi le Coran Karim, etc., il va entendre cet enfant, il va te dire, cet enfant, il est surdoué. Cet enfant, il est surdoué. Les petits enfants comme ça, tout ce qu'ils connaissent, c'est quoi? Bob l'éponge et telle chose. Lui, il te lit un texte comme ça avec des règles et des conditions claires comme ça, directes, et des faits et des débats rationnels, etc. Il connaît ça par cœur. C'est impossible que ce soit l'œuvre d'un être humain. L'œuvre d'un être humain qui a facilité un tel apprentissage. Je vous dis pourquoi. C'est parce que si un être humain pouvait écrire un texte de la sorte, on n'aurait pas besoin ni de l'école primaire, ni de l'école secondaire, ni de rien du tout. Les enfants de 5 ans, de 6 ans, on va commencer à leur apprendre par cœur les manuels de l'université. Par cœur comme ça, ils vont les apprendre par cœur. Khalas, nous avons des bases de données à 6 ans, à 7 ans comme ça. Tu le ramènes comme ça, tu dis, est-ce que tu peux me donner la formule de mathématiques? Il va te dire tac, tac, tac, tac, il va tout te faire sortir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Tu peux lui apprendre une formule, deux formules, mais tout un manuel qui va entrer dans comme ça la tête d'un seul enfant, qui va te rapporter ces réponses-là, c'est impossible. Ça veut dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Oui, mon frère. Moumtaz, j'avais prévu de parler de ça, je ne me rappelle plus dans quel point exactement, mais plus que tu le poses, on va répondre maintenant directement, Inch'Allah. C'est ce qu'on appelle al-huruf al-muqatta'a, les lettres détachées, n'est-ce pas? Alif, lam, mim, Hamim, Sad, Noun. Ça, c'est parfois, tu vas trouver des lettres comme ça au début d'une sourate dans le Coran al-Karim. Selon certains ulama, on va le voir un peu plus tard, inshallah, c'est l'une des catégories de tafsir, ça fait partie du Coran al-Karim que seul Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît c'est quoi son sens. Mimma sta'athara Allah ta'ala bi'ilmihi. Mais ça a été révélé pour une raison. Et les ulama, ils ont dit la raison, c'est quoi? C'est encore une fois de lancer le défi aux Arabes. De leur dire, écoutez, ce Coran-là que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il récite, c'est composé de vos propres lettres à vous. Il n'a pas inventé une nouvelle langue. C'est les lettres que vous, vous connaissez. Alif, Lam, Mim, Noun, Ha, Mim, Sad. C'est vos lettres à vous. Comment se fait-il que vous êtes impuissant de venir avec quelque chose qui est comparable à des sourates qui sont faites de vos propres lettres à vous? Et certains ulama, ils ont dit que ça aussi, selon certains autres ulama, l'avantage, et c'est quoi en quelque sorte que ça rapporte ces lettres-là, c'est pour attirer l'attention. C'est pour ça qu'on les trouve beaucoup dans les sourates qui sont mekwazes. Encore une fois, pour que les mouchidikines prêtent leur oreille. C'est-à-dire, Hamim, quelqu'un est dans la salle, il va se retrouver. Il va se retrouver. Il va te... Qu'est-ce qui se passe? Là, il va commencer à écouter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Peut-être, Allahu a'lam, jazakallahu khair, jamais entendu parler de ça. Ça se peut que ça soit l'une des raisons aussi. Non. Mumtaz. Taïb. Regardez ce que nous avons ici, un hadith. Hadith d'Ali radiallahu ta'ala, et on va clore avec ça, inshallah ta'ala. Hadith d'Ali radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'Ali radiallahu ta'ala, il a dit comme il a été mentionné dans une narration, « Kitabullahi ». فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما كان أو وخبر ما بعدكم. Il a dit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala contient les informations de ceux qui étaient avant vous et de ceux qui va être après vous, l'avenir. وحكم بينكم et la justice entre vous. Dans vos différences, ça contient la réponse. C'est qui dit vrai, c'est qui dit faux en quelque sorte. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. Et c'est le sérieux, ce n'est pas de la rigolade. مَا تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ. Le puissant qui le délaisse, Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre impuissant. Après ça, il dit وَهُوَ الذِّكْرُ وَمَنْ ابْتَغَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. Et celui qui cherche la guider dans autre chose que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va l'égarer de son chemin subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa huwa hablullahi al-matin. Et c'est le câble, en quelque sorte ferme, qui nous relie à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa huwa as-siratu al-mustaqim. Wa huwa adh-dhikru al-hakim. Wa huwa as-siratu al-mustaqim. الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة. C'est le droit chemin qui fait en sorte que tu ne seras pas égaré à cause de ton hawa, de tes désirs. Et après ça, écoutez ce qu'il dit, c'est ça ce qui nous intéresse ici pour ce qui est des miracles. ولا تلتبس به الألسنة. Que les langues ne trouvent pas de la difficulté à le lire. Voyez-vous, ça veut dire, une fois que tu connais le tajwid, même si tu ne connais pas la langue arabe, il te suffit de connaître les hurufs, les lettres de la langue arabe, d'apprendre le tajwid, et après ça, tu peux lire le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ce qui est contraire à certains mots que tu vas trouver dans le dictionnaire, tu peux les répéter à chaque jour et tu vas trouver quand même que c'est difficile à dire. Encéphalographie. Tfadda. C'est le athar de Ali, radiyallahu. C'est parce qu'il y a un hadith du prophète, alayhi salatu salam, c'est un hadith qui est faible. Donc, en réalité, certains ulama, ils ont dit que ça, c'est les paroles de Ali, radiyallahu ta'ala, anhu. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. Les savants ne seront jamais rassasiés. Ça veut dire qu'on voudra toujours plus du livre d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. Ça, c'est un point très important. Un autre miracle de le Coran al-Karim. وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. Il te dit, Al Quran Al Karim, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Yakhlaqu? Yakhlaqu, c'est comme des vêtements que tu vas mettre à chaque jour. Si tu as, mettons, une personne qui met des pantalons à chaque jour, qu'est-ce qui va arriver? Elles vont s'user, n'est-ce pas? Ça veut dire, ça va devenir la qualité, la teneur en quelque sorte de la matière va s'affaiblir de plus en plus, n'est-ce pas? وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'affaiblit pas par la répétition et par la multiplication de sa récitation en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple comme ça. Les paroles des êtres humains, les gens qui aiment beaucoup la musique, qui écoutent à chaque fois la musique, est-ce qu'ils peuvent écouter une chanson pendant 50 ans? Il va te dire, ça c'est ma chanson favorite. À chaque matin, il écoute. À chaque soir, il écoute. Non. N'est-ce pas? Avec le temps, les gens, ils veulent toujours. À chaque mois, ils veulent de nouvelles chansons. Il a acheté tout, n'est-ce pas, les CD, je pense, de nos jours. Ils n'achètent plus les CD. C'est sur l'iPod et tout, n'est-ce pas? Ils achètent sur Internet. Il va acheter la chanson. Il va l'écouter pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Après ça, il y a une autre qui vient de sortir. Il va commencer à écouter la nouvelle. L'ancienne, s'il va la mettre, il va dire non, c'est trop ancien ça. C'est pas intéressant. Je passe à autre chose. Et autre chose, et autre chose. Les livres, c'est la même chose. Ils vont te ramener un livre. Ils vont te dire, ça c'est le best-seller. Ah, tout le monde est en train de le lire. Je vais l'acheter moi aussi. Ils vont le lire. Ils le lisent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Avec le temps, est-ce qu'il voudra le lire pendant toute sa vie? À chaque jour? Non. Il va trouver que ça devient trop ennuyant. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Il va le vendre à $1. Il va le mettre dehors comme ça. C'est pas dans sa boîte de recyclage. Celui qui va le prendre, livre à donner, gratuit. Et personne ne va le prendre. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois est-ce que tu récites surat al-Fatiha dans ta vie? Si tu fais ta prière, bien sûr, Inch'Allah, au minimum 17 fois par jour. N'est-ce pas? Tu récites, et tu récites, et tu récites, et tu récites. Pendant des années, tu récites. Et ce n'est pas seulement que tu récites. Parce que quelqu'un va nous dire, ok, vous récitez parce que vous êtes forcé de le faire. Vous croyez que c'est une obligation. Taïm. Mais tu récites aujourd'hui. Et tu récites dans 5 ans et dans 10 ans. Aujourd'hui, tu récites, ça passe normal. L'année prochaine, tu vas réciter, tu vas être dans un moment de concentration. Tu vas voir le khushu' lorsque tu es en train de réciter surat al-Fatiha. Et tu vas dire, parce que c'est le ramadan, c'est tarawih, etc. Tu as ton khushu', tu viens de finir ton jeûne, etc. Tu vas dire, je veux continuer à lire encore plus. Je veux lire plus de Coran et plus de Coran et plus de Coran. Ça veut dire que c'est ton cœur qui le veut parfois, même après quelques années, etc. Le plus que tu le récites, ça ne va jamais en quelque sorte s'affaiblir et devenir quelque chose qui est ancien, qui n'est plus intéressant. Non. Et ça, comme j'ai mentionné, c'est relié à l'Ijaz al-Lughawi. Dernier point comme ça que je vais mentionner pour finir avec le miracle linguistique et prendre notre pause, Inch'Allah ou Ta'ala. C'est pas directement relié au miracle en tant que tel, mais puisqu'on y est. Parfois, vous allez avoir affaire avec certains non-musulmans, arabes plus spécifiquement, qui vont vous sortir certains shubuhats, certains doutes sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des doutes que les orientalistes ont essayé d'inventer de nos jours sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te dire, oh gars, tel verset contient une erreur de grammaire. Ça doit être marfou à la place que ça soit Mansoub, etc., etc. La plupart d'entre nous, encore une fois, de nos jours, et même lui, celui qui est en train de te dire, il ne comprend rien en passant. Il a lu quelque chose comme ça dans un livre, on lui a dit que ça doit être comme ça. Lui, dis-lui, tu m'écris un paragraphe en arabe, il ne peut pas le faire. Mais il est en train de répéter quelque chose qu'on lui a dit. Et toi, tu te trouves à être heurté. C'est parce que tu sais que ça, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne peux pas lui répondre parce que la grammaire, ce n'est pas l'arabe, ça c'est du chinois pour toi et tu ne comprends rien, etc. Je vais vous donner la réponse très simple. Tu n'as même pas à aller chercher ni rien du tout. La réponse pour le mettre au chaos. Toutes, sans exception, toutes les sciences de la langue arabe que nous avons aujourd'hui viennent de le Coran al-Karim. Ça veut dire toutes les sciences que nous avons, al-balagha, al-i'rab, al-sarf, etc. Nahou, etc. Ça, c'est des sciences qui n'existaient pas en tant que sciences comme ça lors du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, ni avant le temps du prophète, alayhi salatu wasalam. Tout comme lors du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, il n'avait pas des cours comme ça, de séminaires, n'est-ce pas, au sol tafsir, fondement de tafsir, 1, 2, 3, 4. Il n'avait pas besoin de ça, il vivait avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Voyez-vous, donc, les fondements de tafsir, il les prenait directement de la vie du prophète, alayhi salatu wasalam. Les Arabes, ils n'avaient pas... Ils n'apprenaient pas la langue comme ça, règle numéro 1, règle numéro 2 de conjugaison. C'était une saliqa. Tu apprends ça de ton père. Ton père, tu l'entends en train de parler, ta mère, elle parle. C'est pour ça qu'ils envoyaient leurs enfants parfois dans des villages dans lesquels il y avait la fasaha, la puissance de la langue, pour qu'ils apprennent la langue arabe comme elle se doit. Ça veut dire, je sais que c'est bizarre, mais si tu vas voir Abu Bakr, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'opportunité aujourd'hui de revenir dans le temps, rencontrer Abu Bakr, tu dis, est-ce que ça c'est maf'oul ou maf'oul bihi? Est-ce que c'est une kasra ou une fatha ou c'est marfou'? Est-ce que c'est khabar, c'est mubtada? Tu lui poses toutes ces questions de base sur la grammaire, il va te dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'existait pas lors de leur temps. Voyez-vous, il n'y a pas de règle comme ça prédéterminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après le prophète, alayhi salatu wasalam, plus spécifiquement lors du temps du Ali, radiyallahu anhu, quand il était le calife, là, il y a eu les conquêtes, les fudouhat, etc. Il y a plein de peuples qui ont commencé à se convertir à l'islam, des peuples en entier, qui étaient a'ajim, qui n'étaient pas des arabes, n'est-ce pas? Et qui commencent à essayer de parler arabe comme ça, imiter les arabes, à commencer à lire l'arabe, etc. Et ils ont commencé à commettre des erreurs. Même parfois des erreurs graves. C'est parce qu'ils apprenaient le Coran Karim comme ça, du par cœur, n'est-ce pas? Comme par exemple, il y a, comme c'est récité l'une des histoires qui sont mentionnées dans ça, c'est quoi? C'est qu'une fois, il y a... une personne lors du temps de Ali radiallahu ta'ala an, qui a entendu un a'jami, personne convertie à l'islam comme ça, qui a lu un verset de sourate Tawbah, si je me rappelle bien, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulihi. Le verset c'est quoi? Le verset c'est Wa anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il se dissocie des polythéistes. Ainsi que son messager. Ça veut dire, son messager se dissocie aussi de, des polythéistes. C'est un raf'a, wa rasuluhu, n'est-ce pas, fa'il. Cette personne-là qui ne connaissait pas la langue arabe et qui a commis une erreur lors de la mémorisation du Coran Karim, il a appris ça comme étant wa rasulihi. Ça veut dire quoi, wa rasulihi? Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il se dissocie des polythéistes, il se dissocie de son prophète. Alayhi salatu wa sallam, al-iyadu billah. C'est le sens contraire, voyez-vous, à cause d'une haraka de la langue comme ça qui a changé. Donc là, ils ont commencé à dire, on doit préparer un cursus, un programme académique. On doit mettre des règles de la langue, transformer la langue arabe d'une langue naturelle qui se passe d'une personne à l'autre à une langue qui est organisée et qui contient des règles. Donc ces règles-là, ils les ont pris d'où? Du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala et des paroles du prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que tous les livres classiques de la langue arabe, sans exception, je ne parle pas des livres, bien sûr, de nos jours, les universités laïques qui veulent apprendre l'arabe, elles vont faire leur propre livre à eux, n'est-ce pas? Il va te dire, dis en arabe, sa'adhabu ma'asdiqa ili arraqs. Je vais aller danser avec mes amis. C'est ça les exemples qu'ils te donnent. Mais en réalité, historiquement, les références de base de la langue arabe, ça veut dire que tu ne peux pas te dissocier de ça, n'est-ce pas? C'est les références qui ont été écrites par l'ulama de l'islam, des savants musulmans. Et à chaque fois qu'il te dit quelque chose, il va te donner comme exemple, soit Ash'ar ou l'arabe, les poèmes des arabes dans le temps, ou bien des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien des paroles du prophète, alayhi salatu wasalam. Ça veut dire que ces règles-là sont des règles générales, extraites de l'Qur'an, Al-Karim. Coran Karim, c'est la source et les règles, c'est le résultat. Tu ne peux pas venir aux règles et dire et faire des règles maintenant la référence qui doit juger le Coran Karim. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que tes règles, que tu sois un athée, que tu sois ce que tu sois, n'est-ce pas, quelqu'un qui parle arabe comme ça, tu n'as pas d'autre choix que de passer par les ulum de al-lugha al-arabiyya, les sciences de la langue arabe qui ont été développées par les musulmans, par les savants musulmans. Khalas, tu viens de le mettre, tu viens de fermer la porte. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'expertise pour connaître la grammaire, etc. Ça veut dire que ces règles de grammaire sont des règles qui nous régissent, nous, voyez-vous, un point. Et d'un autre côté aussi, un petit détail comme ça, utile sur ce point, c'est que même la langue arabe en passant, n'est-ce pas, la langue arabe, il y a des différences, il y a des courants, des écoles à l'intérieur de la langue arabe. Tout comme dans le fiqh, il y a des écoles, il y a Hanafi, Maliki, etc. Dans la langue arabe, il y a des écoles. Parfois, on va te dire, ce mot-là, tu peux le dire avec Al-Fatha, selon l'école de Al-Kufa, Al-Kufiyin, mais pas selon Al-Basriyin, voyez-vous. Quand tu vas à l'université ici, université laïque, pour t'apprendre la langue arabe, un programme de base comme ça, ils ne vont pas t'apprendre Al-Kufiyin, Basriyin, etc. Je ne sais même pas si le prof lui-même il comprend tout ça, voyez-vous. Il va te prendre un livre de base comme ça, un résumé, il va te dire c'est comme ça que ça fonctionne en arabe, alors qu'en réalité l'arabe est beaucoup plus riche que ce que cette personne, elle pense l'être. Est-ce que c'est clair? Oui. La sœur, elle dit, c'est quel pays dans lequel on parle l'arabe le plus authentique, en quelque sorte. L'arabe le plus proche de la langue arabe, pour une personne qui veut faire une expérience comme ça d'immersion pour apprendre l'arabe. Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est pas pour vous dire que vous devez aller là-bas pour apprendre l'arabe. C'est difficile, voyez-vous. Donc, pour faire une expérience d'immersion, ce n'est pas vraiment, vraiment comme ça que ça fonctionne, comme ça pour apprendre vraiment l'arabe. C'est plus, pour apprendre l'arabe, il faut plus chercher un pays musulman dans lequel il y a des instituts qui sont bien organisés d'apprentissage de la langue arabe, même si la société aux alentours ne parle pas très bien arabe. Parce que si vous voulez faire une immersion dans un pays où on parle vraiment arabe, en général, c'est des pays où la vie et l'accès est difficile. Ça veut dire des pays comme la Mauritanie, par exemple. La Mauritanie, mais éloignée dans la Mauritanie, là, dans les petits villages de Mauritanie, etc. C'est là où on va vous parler la langue de Al-Koufiyin et de Al-Basriyin. C'est là où on va vous parler la langue de moi et vous, on ne va rien comprendre, presque. Il y a des pays comme le Yémen. Le Yémen, leur langue arabe est plus proche aussi de la langue arabe. Même si tous les pays, sans exception, il y a beaucoup de dialectes, voyez-vous, beaucoup d'intrusions comme ça à l'intérieur de la langue. Il y a l'Irak aussi. En Irak, c'est connu comme étant l'un des pays dans lesquels la langue arabe est puissante. Bien sûr, il y a l'Égypte dans laquelle la langue arabe est puissante, mais le problème en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup de connaisseurs de la langue arabe, mais au sein de la société, l'utilisation en tant que telle, non. C'est du dialecte pur et dur, comme dans la plupart des autres pays musulmans. Non. Et je ne peux pas parler de tous les pays, bien sûr, parce que je sais pas, je ne suis pas un voyageur du monde qui a visité tous les pays du monde et toutes les villes et qui peut vous rapporter toutes les réponses. Taïb. Inch'Allah, on va s'arrêter à ce point et lors de notre prochaine séance, Inch'Allah ta'ala, on va couvrir le restant des formes de miracles. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.